me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle est l'interaction des Homo sapiens, des hommes modernes, avec leur environnement? La faune, les paysages, voire l'atmosphère, si l'on songe aux conséquences de la maîtrise du feu. Le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur invité au Collège de France depuis 2014, et directeur du département d'évolution humaine à l'Institut d'anthropologie évolutive Max Planck de Leipzig en Allemagne, achève ce matin sa série « Homo sapiens, l'espèce orpheline » par une grande interrogation sur l'impact de cet Homo sapiens sur son entourage et son environnement à l'heure des débats scientifiques autour de l'aube anthropocène. Le prix Nobel de chimie de 1995, Paul Crutzen, a popularisé ce terme d'anthropocène. À la suite de l'Holocène, c'était le terme proposé par Lyell en 1833, l'ère récente située entre moins 18 000 et moins 8 000 ans, l'anthropocène se caractérise par l'influence massive de l'espèce humaine sur son environnement. Or, cette influence massive, on la trouve déjà au moment de l'expansion d'Homo sapiens, espèce humaine sans doute aussi innovante que prédatrice. Dans son ouvrage « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre », coécrit avec Bernard Sêtre, Jean-Jacques Hublin rappelle, et je le cite, que c'est paradoxalement l'installation d'un climat extrêmement froid auquel ils étaient biologiquement peu préparés qui consacre le triomphe des hommes modernes sur leurs prédécesseurs néandertaliens. Confronté à des conditions extrêmes, l'homme moderne a dû inventer des techniques et des modes de vie, des structures sociales pour survivre dans un environnement hostile. Il a inventé vite à l'échelle de quelques générations. Au cours de son expansion en Afrique, puis hors de ce continent, l'homme moderne inventa l'invention. L'innovation rapide devint un moyen d'adaptation systématique à des environnements nouveaux. En quelques générations, des groupes humains de régions tempérées s'adaptèrent à la toundra glaciaire, achevant ainsi un tome de notre histoire. Et Jean-Jacques Hublin de conclure que l'évolution humaine continue à être biologique mais devenait avant tout culturelle. Cela posé, l'expansion de l'homme moderne s'est accompagnée, nous l'avons vu la semaine passée, par de grandes extinctions d'espèces animales. La mégafaune a disparu en particulier, les ours des cavernes en Europe, le kangourou géant en Australie, ils n'ont pas résisté à la chasse intensive des hommes modernes. Et ce sont aussi des grands carnivores en concurrence avec les hommes, leurs proies se raréfiant, ont eux aussi disparu. À côté de la faune, ce sont aussi les paysages qui se sont trouvés modifiés. Dès lors, sans exonérer l'homme moderne, quelle est son interaction avec son environnement? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 13 décembre 2016 pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « Homo sapiens, l'espèce orpheline », aujourd'hui, l'aube de l'anthropocène. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est non pas vraiment vous parler des hommes eux-mêmes, mais plutôt de leur interaction avec leurs interactions avec l'environnement. Et j'ai choisi ce titre de l'aube de l'Anthropocène. Je ne sais pas ce que vous savez de cette histoire d'Anthropocène, mais c'est quelque chose qui agite beaucoup les milieux scientifiques depuis quelques années. Dans le fond, c'est la définition d'une nouvelle époque géologique qui est liée au développement de l'homme et son impact sur l'environnement. Et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est que, en fait, cette influence de l'homme sur l'environnement, eh bien, ça n'est pas quelque chose qui a commencé avec l'ère industrielle, mais en fait, c'est quelque chose qui s'enracine beaucoup plus loin dans le passé, même si, j'allais dire, nous avons commencé doucement, mais nous avons quand même commencé il y a longtemps. Alors évidemment, parler de l'impact de l'homme sur l'environnement, c'est parfois c'est un sujet un petit peu triste, hein, parce que l'impact de l'homme sur l'environnement, il est loin d'être toujours positif. Et je vous parlerai beaucoup d'animaux, et je vous parlerai beaucoup d'animaux qui disparaissent, en fait. Hein. Ce terme d'anthropocène, il a été proposé notamment par des géologues qui voulaient créer une nouvelle époque géologique qui ferait suite à l'Holocène. Je vous rappelle que l'Holocène, c'est une époque qui est assez courte, qui suit le Pléistocène, qui a duré plus de 2 millions d'années, et c'est une époque géologique qui, pour l'instant, n'a duré qu'une dizaine de milliers d'années. Donc c'est, en gros, l'interglaciaire dans lequel nous nous trouvons depuis la fin du dernier épisode glaciaire, du stade isotopique 2. Et l'idée, dans le fond, c'est de définir une période pendant laquelle l'impact de l'homme sur l'environnement est visible. Et quand je dis visible, c'est visible géologiquement. Visible, par exemple, dans cette carotte de sédiments qui vient de l'ouest du Groenland et qui a été prélevée dans un lieu après le retrait de glaciers en raison du réchauffement climatique. Et ce que vous voyez dans cette carotte, eh bien, c'est une partie avec des sédiments qui sont des sédiments liés à la présence de ce glacier. Et puis, au-dessus, il y a une couche ici avec des sédiments qui sont essentiellement des sédiments organiques, mais qui se distinguent complètement de ce qui, j'allais dire, naturellement devrait se trouver dans cet environnement. Et cette transition, elle correspond à ce que certains ont appelé la grande accélération. Cette grande accélération, eh bien, c'est en gros le déversement dans l'environnement par les sociétés industrielles de quantités de matière, de roches nouvelles, si on peut appeler ça comme ça, ces roches nouvelles étant composées de plastique, de béton, d'aluminium, etc., qui se retrouvent dans les sédiments. Aussi, la production une grande quantité de carbone, y compris des petites particules de carbone qu'on va retrouver dans les sédiments. Et donc, on a essayé, dans le fond, de définir une limite en termes de temps. Et cette grande accélération, beaucoup de gens la placent quelque part à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou quelque chose comme ça. C'est une limite, d'ailleurs, qui est assez commode, parce que l'explosion de la première bombe nucléaire le 16 juillet 1945, eh bien, a été suivie par de nombreuses bombes supplémentaires. Il y en a eu au début à peu près une tous les 10 jours. Alors, c'est pas des bombes qui étaient toutes fatales à des populations, hein, c'était des essais nucléaires. Mais ces essais nucléaires ont produit une grande quantité de radioéléments qu'on peut trouver dans les sédiments, qu'on peut détecter, et ça paraît à beaucoup une limite assez commode. Alors, ce mouvement a quand même rencontré une forte résistance, une forte hostilité dans les milieux géologiques, pour plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que dans le fond, sur le plan strictement géologique, sur le plan climatique, et si on fait abstraction de cet impact de l'homme sur l'environnement, eh bien, on ne voit pas très bien la raison pour laquelle il faudrait créer une nouvelle période géologique. Vous verrez aussi que, bon, si on met de côté les bombes atomiques, eh bien, on a un peu des difficultés, justement, à fixer dans le temps le début de cette période. En ce qui nous concerne, évidemment, on s'est beaucoup intéressé aux cultures, aux civilisations de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs. Évidemment, un des aspects les plus visibles de cette activité humaine, eh bien, c'est dans le fond la réduction du monde animal, sauvage. Il y a 10 000 ans, presque la totalité de la biomasse de vertébrés qui vivent sur les continents, c'est-à-dire en gros tous les animaux qui rampent et qui volent et qui marchent sur les terres ou au-dessus des terres, eh bien, représentait donc la totalité de la biomasse. Cette biomasse, aujourd'hui, elle est représentée à 97% par les hommes eux-mêmes et par leurs animaux domestiques. D'ailleurs, plus les animaux domestiques que les hommes. Et cette biomasse sauvage ne représente plus que quelque chose comme 3% de la biomasse terrestre. C'est absolument ridicule. Et vous voyez que les projections pour 2050 sont assez pessimistes, en tout cas pour la biomasse sauvage. On a donc un grand nombre d'extinctions qui se sont produites en plus du bruit de fond des extinctions normales, habituelles, et qui se sont accélérées, disons, à partir du XVIe, XVIIe siècle. Enfin, c'est l'époque pour laquelle on commence à pouvoir compter un petit peu le nombre d'espèces qui disparaissent. Et vous voyez que les mammifères et les oiseaux sont particulièrement impactés par ce phénomène, au point que on puisse se demander si nous ne sommes pas à la veille d'une sixième extinction de masse. Alors, dans le passé, depuis l'explosion cambrienne, eh bien, on a eu déjà un certain nombre d'extinctions de masse, en particulier celles qui marquent la fin du paléozoïque, de l'ère primaire, qui a été une extinction de masse considérable. Il y a à peu près la moitié des familles existantes qui ont disparu à ce moment-là. Et puis il y en a eu d'autres, dont la très célèbre extinction de la fin du Crétacé, avec la fin des dinosaures. Alors, là encore, il y a des débats pour savoir s'il faut considérer que nous sommes dans une extinction de masse, mais ce qui est clair, c'est que si les extinctions auxquelles on assiste depuis quelques siècles se poursuivent au rythme actuel, eh bien, oui, certainement, on va vers une sixième extinction de masse. Donc, revenons à nos chasseurs paléolithiques. Et la question qui se pose, dans le fond, c'est est-ce que leur activité de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs, a eu un effet sur les faunes de leur époque? On a tendance, souvent, à opposer un monde industriel moderne qui est extrêmement délétère, dans le fond, pour la nature et pour les espèces vivantes, à un monde passé, paléolithique, un petit peu idyllique. On a même parlé de l'âge d'or des chasseurs du paléolithique, où on a des gens qui vivent en équilibre avec la nature, qui, dans le fond, gèrent la ressource de façon intelligente, etc., etc. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que cela. Et d'abord, je voudrais insister sur un point qu'on a discuté dans un cours précédent, et qui est le fait que, au sein des prédateurs, l'homme est un prédateur assez particulier, dans le fond. Et il est assez particulier, eh bien, parce qu'il a, il y a deux caractéristiques qui sont pratiquement uniques à l'homme quand il s'attaque aux autres animaux. D'une part, il a une tendance assez forte à exploiter des proies de grande taille, même de très grande taille, ce qui est assez rare dans le fond au sein des prédateurs. Les prédateurs qui ont des proies de très grande taille sont assez peu nombreux et sont très, très spécialisés, généralement. Et puis il y a un autre trait humain qui est assez particulier, c'est que les hommes, aussi bien dans le milieu terrestre que dans le milieu aquatique, quand il a commencé à exploiter le milieu aquatique, eh bien, s'orientent vers des proies adultes, j'allais dire, assez facilement, alors que c'est généralement pas le cas pour les autres prédateurs. Alors, ce triangle, il vous montre la distribution d'une population vivante, avec ici un profil démographique. Il s'agit de rennes. Et cette population vivante, elle comporte un grand nombre d'adultes, de jeunes adultes, et puis un nombre plus restreint de très jeunes et de très vieux. Et donc son profil de mortalité naturelle, c'est qu'il meurt beaucoup de très jeunes, et puis évidemment, ensuite, il y a une attrition régulière de la population. Donc les populations vivantes, elle se place ici sur ce diagramme. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que si on place une distribution des proies il s'agit de Néandertaliens qui vivent au Paléolithique moyen dans le sud-ouest de la France, eh bien, vous voyez qu'en gros, leurs proies sont situées dans la zone qui correspond au centre de gravité de la population vivante. C'est-à-dire qu'en gros, les chasseurs humains, là il s'agit de Néandertaliens, mais les hommes modernes font pareil, eh bien, ils attaquent cette pyramide des âges en tapant presque préférentiellement dans les jeunes adultes, c'est ça qu'ils recherchent. Bon, s'ils peuvent attraper des très jeunes ou des très vieux, ils le font aussi, mais c'est ce qu'ils font préférentiellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête, parce que ça va avoir un effet justement sur l'équilibre démographique des populations sauvages, dans la mesure où, dans le fond, un prédateur qui s'attaque uniquement aux individus très âgés ou qui occasionnellement accroît un petit peu la mortalité infantile ne va pas avoir le même effet sur la démographie d'une population animale sauvage qu'un prédateur, l'homme, qui lui s'attaque aux adultes qui dans le fond, représentent les forces vives en termes de reproduction. Le premier effet que l'on a signalé dans la littérature de la prédation humaine sur les faunes animales, eh bien, ne remonte pas au paléolithique récent ou même au paléolithique moyen, mais remonte beaucoup plus loin dans le temps. Vous en souvenez peut-être, pour ceux qui ont assisté à mon cours, non pas l'année dernière, mais l'année d'avant, qu'on assiste autour de 2 millions d'années à peu près à une augmentation de la prédation en Afrique, là où on a des sites archéologiques. Et comment on le voit ? Eh bien, simplement parce que, disons qu'autour de 2 millions d'années, on commence à trouver des sites avec non seulement des industries lithiques, mais surtout des ossements qui présentent des marques de découpe, des marques de percussion qui ont été cassées. Et à partir de 2 millions d'années, on a des sites où on trouve des centaines, voire des milliers de ces fragments osseux. Pour les périodes antérieures, on a des outillages lithiques, mais on a quand même finalement assez peu de ces traces archéologiques de l'activité humaine de chasse ou de charognage. Je vous ai souvent dit ça sous forme de plaisanterie. Ces restes osseux portant des traces d'activité humaine qui remontent au-delà de 2 ou 2,2 millions d'années, dans le fond, en Afrique, ils tiennent quasiment dans une boîte à chaussures, hein, pour toute l'Afrique. Hein. On en a un grand nombre après 2 millions d'années. Et généralement, on associe ça au développement d'une espèce particulière qui est Homo erectus, et au développement aussi d'outillages lithiques que l'on a attribués à l'Acheuléen en Afrique. Alors, ce qui est très intéressant du point de vue des faunes, c'est que si on regarde ce qui se passe dans les faunes africaines en Afrique de l'Est à cette époque-là, eh bien, on assiste à quelque chose d'assez intéressant. C'est un déclin du nombre des grands carnivores. Et disons que quand on compare la variété des carnivores qui peuvent exister en Afrique de l'Est autour de 3, 3,5 millions d'années, et ce qui existe autour de, disons, 1,5, eh bien, il y a une chute extrêmement spectaculaire du nombre d'espèces, de la variété de ces espèces. Il y a toute une série d'animaux qui n'existent plus du tout dans la nature actuelle. Hein. Par exemple, cet ours de grande taille, qui est un ours coureur. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine assez spontanément dans les paysages africains. On a des hyènes de très, très grande taille. On a aussi toute une variété de félins à canines en lame de sabre qui vont en fait disparaître assez rapidement en Afrique de l'Est et qui vont persister dans d'autres régions du monde, en particulier en Europe. On va les trouver jusque dans le Pléistocène moyen. Et si l'on compare ce qui se passe avec les petits carnivores, ceux qui font, disons, moins d'une vingtaine de kilos, eh bien, on voit que, il n'y a pas du tout de déclin de ces petits carnivores autour de 2 millions d'années, alors que les grands prédateurs, ceux qui font plus de 20 kilos, eh bien, eux, montrent un déclin extrêmement marqué après 2 millions d'années. Et dans le fond, même si on rêve un peu à l'Afrique comme le monde des grands carnivores sauvages avec des lions, des guépards, des panthères, des choses comme ça, eh bien, il faut se rendre compte que ces grands carnivores, en particulier les félins qui vivent aujourd'hui en Afrique, ne représentent qu'une toute petite portion de la diversité des carnivores qui existaient à la fin du Pliocène. Et l'explication que l'on donne à ce phénomène, eh bien, c'est parce qu'il est difficile de relier ça à des phénomènes naturels, que ce soit des phénomènes climatiques ou des phénomènes de changement dans les faunes d'ongulés dont se nourrissent ces carnivores. Et la façon dont, en tout cas, un certain nombre d'auteurs, en particulier Verdelin, a interprété ce déclin, eh bien, c'est comme l'effet d'une concurrence avec un nouveau prédateur et qui est représenté par les hominines qui vivent vers cette époque-là. Donc, quelque chose qui peut-être s'enracine déjà assez loin dans le passé, avec un impact non pas tellement sur les proies initialement, mais surtout sur la concurrence des autres, les autres prédateurs. Alors, pour ce qui est des proies, on va prendre le problème dans des situations sont des situations extrêmes d'abord, et puis on va se rapprocher ensuite de conditions plus habituelles. Alors, quand je parle de situations extrêmes, eh bien, je fais référence à ce qui a été discuté dans les deux ou trois cours précédents, c'est-à-dire la disparition de la mégafaune dans des zones de la Terre où les hommes n'avaient jamais mis le pied jusqu'à la fin du Pléistocène. Et en particulier, l'Australie et l'Amérique. Alors, en Australie, vous vous souvenez qu'on a, au moment de l'arrivée de l'homme en Australie, vers 50 000, une faune de marsupiaux qui est extrêmement particulière, qui est endémique, avec de très très grands animaux, des kangourous géants, des marsupiaux qui ont la taille quasiment d'un rhinocéros, comme ce diprotodon, toute une variété de carnivores qui miment un peu sur le plan adaptatif ce qu'on observe chez les carnivores placentaires. Et puis à côté de ça, d'autres grands animaux qui ne sont pas des mammifères, en particulier des oiseaux et des reptiles. Et toutes ces espèces n'existent plus aujourd'hui, évidemment. Et la question, c'est de savoir si c'est l'homme qui est responsable de leur disparition ou si leur disparition est due à des causes naturelles. Il y a là-dessus un débat qui dure depuis très très longtemps. Et c'est un débat d'ailleurs qui est assez passionné parce que il faut bien voir que derrière les arguments scientifiques, il y a aussi, j'allais dire, une vision plus ou moins rousseauiste ou au contraire plus ou moins pessimiste de l'activité des premiers Australiens ou des premiers Amérindiens quand il s'agira de l'Amérique du Nord. Alors déjà, une des premières questions qui a été beaucoup discutée, c'est la question de savoir si l'homme avait vraiment rencontré ces animaux-là. Parce qu'évidemment, pour que l'homme soit responsable de leur disparition, encore faut-il qu'il y ait une contemporanéité des derniers représentants de cette mégafaune avec les hommes. Alors donc, ça a déjà été un sujet de désaccord et de débat assez intense. Alors du côté des avocats des causes naturelles, eh bien l'argument, il est le suivant. Il est que si on regarde ce qui se passe, alors ce qui est à gauche ici, ce sont des périodes géologiques du Pléistocène, de plus en plus proche de nous quand on va vers le haut. Et puis ici, c'est un nombre d'espèces qu'on voit diminuer. Et l'argument, évidemment, c'est qu'on voit très bien que cette diminution du nombre d'espèces, eh bien, elle n'a pas attendu 50 000 pour se manifester. On a plusieurs épisodes de disparition au cours du Pléistocène. Et, en fond, ces gens-là soutiennent que l'homme n'est pas pour grand-chose dans les disparitions auxquelles on assiste il y a 50 000 ans. C'est simplement la suite d'un phénomène qui est déjà en cours et dans lequel le climat a peut-être joué un rôle essentiel avec des fluctuations climatiques peu spectaculaires jusque vers le milieu du Pléistocène moyen, vers 500 000 avant l'actuel. Et puis, à partir de 500 000, une accélération, on en a souvent déjà parlé, des fluctuations climatiques, vous vous souvenez, ces cycles glaciaires-interglaciaires qui prennent une amplitude extrêmement forte à partir du milieu du Pléistocène moyen. Et vous voyez, ce segment montre une amplitude croissante, en particulier des phénomènes interglaciaires. Alors peut-être avec en Australie des effets de modification brutale de l'environnement, voire de montée de l'aridité à certains moments, qui pourraient expliquer ces vagues de disparition successives. Alors l'argument contre, c'est de dire que en fait, effectivement, il y a eu des disparitions de marsupiaux et d'autres animaux au cours du Pléistocène en Australie, bien avant que les hommes n'arrivent. Mais ça, dans le fond, c'est le lot de toutes les zones continentales. Il y a régulièrement des extinctions d'espèces. L'évolution, c'est avant tout une histoire d'extinction, en fait. Mais ce qui se passe il y a 50 000, ou autour de 50 000, a l'air particulier. Et à l'air particulier, notamment lorsqu'on regarde la taille des animaux qui disparaissent. Parce que dans le fond, dans toutes ces extinctions qui ont eu lieu au cours du Pléistocène avant 50 000, j'allais dire, c'est un petit peu tout le monde qui disparaît hein, à son tour. Donc il y a des grandes bêtes, mais aussi beaucoup de petites bêtes qui disparaissent. Et ce qui semble particulier autour de 50 000, eh bien, c'est que c'est particulièrement la très grande faune qui disparaît. Et donc, sur ce schéma qui a été présenté dans un article assez ancien maintenant de Lyons et collaborateurs, qui est un article très, très intéressant, bien dans le fond, ce qu'il montre, c'est qu'il y a une différence très importante entre les extinctions qui ont eu lieu autour de 50 000 et puis les extinctions qui ont eu lieu après l'arrivée des Européens en Australie. Donc vous voyez, quand les Européens arrivent en Australie, ils font disparaître tous ces animaux. Et dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que les Européens qui arrivent, ils ont des fusils et ils tirent un petit peu sur tout ce qui bouge. Et donc, ils tuent des animaux un petit peu de toutes les tailles. On va retrouver une situation un petit peu comparable avec la mégafaune américaine. Alors la mégafaune américaine, elle aussi, elle va connaître des extinctions assez nombreuses, à une époque complètement différente. Donc en Australie, c'était autour de 50 000 avec l'arrivée des hommes. Eh bien, en Amérique du Nord, on a aussi des extinctions qui se placent, disons, à la fin des temps glaciaires et au tout début de l'Holocène. Et vous vous souvenez que l'essentiel du peuplement des Amériques, c'est quelque chose qui semble se produire, disons, après 15 000 ou 14 000, quelque chose comme ça. Donc, quand on est déjà sur la pente du réchauffement climatique, qui d'ailleurs a permis la colonisation des Amériques par les hommes à partir de la Sibérie. Donc, cette faune américaine, qui elle aussi est assez endémique, eh bien, on voit une diminution drastique de sa diversité avec 35 genres de mammifères qui disparaissent dans les Amériques du Nord et du Sud entre 13 800 et 11 400. Et vous voyez qu'il y a là une espèce de frontière chronologique avec les dernières occurrences stratigraphiques d'un grand nombre d'espèces de mammifères. Comme en Australie, il y a des partisans des causes naturelles de ces extinctions. Et l'argument, c'est que évidemment, cette période entre, disons, 14 000 et 12 000, eh bien, c'est la fin de la dernière glaciation. Et il est exact qu'on a affaire à un changement assez dramatique de l'environnement, du climat, des paysages, en Amérique du Nord en particulier. Encore une fois, l'argument qui, j'allais dire, est utilisé par les chercheurs qui voient plutôt une cause humaine dans cette disparition, c'est un argument qui tente à montrer que les disparitions auxquelles on assiste, ce ne sont pas des disparitions, j'allais dire, aléatoires. C'est pas une espèce de tirage au sort d'espèces qui n'ont pas de chance et qui vont disparaître à cause d'un changement climatique. Non, c'est certaines catégories de mammifères qui disparaissent de façon préférentielle. Et cela, ça contraste avec ce que l'on observe dans d'autres périodes de changement climatique intense, puisqu'il y en a eu d'autres auparavant. Je reviens à cette étude de Lyons. Ce qu'il montre dans ce travail, c'est qu'il y a deux groupes de mammifères qui sont particulièrement victimes d'extinction pendant cette période-là. C'est d'une part des animaux, encore une fois, comme en Australie, des animaux de très grande taille, hein, en particulier chez les édentés. Les édentés sont les animaux comme les paresseux, les tatous, hein, ces familles. Au Pléistocène, dans les Amériques, on a des édentés qui sont de très très grande taille. Eh bien, ces animaux disparaissent préférentiellement par rapport aux formes plus petites. Et puis, il y a un deuxième groupe de mammifères qui, lui aussi, disparaît de façon préférentielle pendant cette période-là. Eh bien, encore une fois, ce sont les carnivores. Et donc, évidemment, l'idée qui est avancée là, c'est que, dans le fond, les hommes qui arrivent dans un continent qui est un continent vierge, dans lequel il y a des faunes qui sont, j'allais dire, naïves, en tout cas dans leur relation avec les hommes, eh bien, ils vont s'attaquer à des très grandes proies, parce que dans le fond, c'est ce qui rapporte le plus, hein, et ces hommes modernes de la fin du tardi glaciaire ou du début de l'Holocène, n'ont pas vraiment de limitation en termes techniques s'ils veulent s'attaquer à des proies de très grande taille. Donc, ils chassent préférentiellement les grands animaux. Et d'autre part, eh bien, dans le fond, ils exercent aussi une pression sur les carnivores, soit directement, peut-être en se débarrassant d'eux à l'occasion, mais aussi tout simplement en étant en concurrence avec eux. Et ça, c'est probablement une assez vieille histoire, comme j'ai voulu vous le montrer tout à l'heure en vous parlant de l'Afrique de l'Est. Donc cette concurrence entre l'homme et d'autres prédateurs qui, généralement, se termine mal pour les autres prédateurs. Donc ça, c'est une vision générale de la faune qui est présente dans les gisements paléontologiques. Maintenant, si on regarde ce qui se passe dans les gisements archéologiques, c'est-à-dire quand on regarde non pas la diversité de la faune en général, mais qu'on regarde ce qui se trouve dans les niveaux sédimentaires qui correspondent à des occupations humaines et donc des restes d'animaux qui ont été prélevés par les hommes dans la nature, eh bien, différentes études montrent qu'il y a chez les premiers chasseurs amérindiens, en particulier ceux de cette période de Clovis, dont on a beaucoup parlé la dernière fois, eh bien, il y a une surreprésentation de la classe des animaux de très grande taille. Et alors, c'est quelque chose sur lequel j'ai déjà insisté plusieurs fois, le fait que les hommes, dans le fond, aient cette attraction particulière pour des proies de très grande taille, et qu'en plus, ils chassent, s'ils le peuvent, des jeunes adultes, c'est quelque chose qui va avoir un impact particulier sur la démographie des populations sauvages de ces animaux de grande taille. Pourquoi ? Eh bien parce que des très grands animaux, comme les proboscidiens, par exemple, sont des espèces qui ont des cycles de reproduction, qui sont des cycles lents, ils ont un développement qui est prolongé, et ils ont une fécondité qui est relativement faible comparée à des petits animaux. Et donc, si vous vous mettez à chasser préférentiellement ces populations de grands mammifères, eh bien, à un moment donné, peut-être pas immédiatement, mais il va y avoir un seuil qui va être franchi quand vous commencez, dans le fond, à prélever plus d'animaux que ces populations ne peuvent en produire naturellement. Et donc, à ce moment-là, il y a un phénomène un petit peu, autocatalytique qui fait que ces espèces sont précipitées dans l'extinction. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin, son cours Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui, l'aube de l'Anthropocène. Alors, évidemment, une grande partie de l'Ancien Monde ne correspond pas à ce modèle des Amériques ou de l'Australie où les hommes n'étaient jamais venus. Dans la plupart du reste du monde, il y a eu, pendant le Pléistocène, des hominines, et c'est en particulier le cas en Europe. Alors que se passe-t-il en Europe? Eh bien, on n'a pas affaire à des phénomènes qui sont aussi spectaculaires que ceux auxquels on assiste avec l'arrivée de l'homme en Australie ou dans les Amériques. Mais on voit quand même des extinctions se produire à l'arrivée des hommes modernes autour de 45 000 ans, peut-être un peu plus, et puis surtout après, pendant le cours du paléolithique supérieur et à la fin du paléolithique supérieur. Alors, je résiste pas au plaisir quand même de vous signaler que avant le début du paléolithique supérieur, il y a en Europe quelques espèces qui sont des espèces un petit peu surprenantes. Hein, et on a en particulier, par exemple, des primates qui existent dans le Pléistocène européen. Ce macaque, enfin pas celui-là, mais un macaque qui lui ressemble, a été trouvé à l'état fossile dans un gisement de la région de Nuremberg en Allemagne, associé à des industries moustériennes, de la fin du moustérien. Donc à la fin de la période néandertalienne, on peut l'appeler comme ça, en Europe, on avait des macaques qui vivaient dans la région de Nuremberg. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais en tout cas, on n'en a plus après l'arrivée des hommes modernes. Et ces hommes du paléolithique supérieur, eh bien, on va les voir exploiter aussi de la grande faune, mais cette grande faune, elle a, et c'est quelque chose qui est probablement le cas aussi depuis encore plus longtemps en Afrique, dans le fond, elle a subi une espèce de coévolution avec les hommes, et elle va répondre, si je peux dire, de façon moins brutale que ce à quoi on a assisté en Australie ou ce à quoi on va assister dans les Amériques. Il y a un groupe, encore une fois, qui va, au final, connaître l'extinction, probablement à cause soit de la prédation des hommes, soit de la concurrence avec les hommes, et c'est celui, encore une fois, des grands carnivores. Alors, il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est celui de l'ours des cavernes. Alors, l'ours des cavernes, c'est une espèce qui a, dans le fond, qui a fait son apparition à peu près en même temps que l'homme de Néandertal. En tout cas, la forme la plus, j'allais dire, récente, évoluée d'ours des cavernes qu'on connaisse en Europe. Et donc, hommes de Néandertal et ours des cavernes ont évolué côte à côte à travers plusieurs cycles glaciaires, interglaciaires. On sait qu'il y a eu une prédation occasionnellement des Néandertaliens sur les ours des cavernes, mais en tout cas, ces ours des cavernes, ils ont assez bien survécu à tout ça, et on les connaît bien représentés au début du paléolithique supérieur. Alors, on a longtemps cru que ces ours des cavernes avaient existé pendant tout le paléolithique supérieur et jusqu'au Magdalénien, hein, jusqu'à la fin des temps glaciaires. Cela, d'une part, à cause de la présence occasionnelle de restes d'ours des cavernes dans des niveaux du paléolithique supérieur récents, en particulier des canines d'ours des cavernes qui ont pu être des objets de parure même. Et puis aussi la présence de l'ours dans l'art paléolithique du paléolithique supérieur. Alors, dans l'art paléolithique, évidemment, et pas seulement dans l'art paléolithique, dans les gisements archéologiques, un des problèmes qui se pose parfois, c'est de faire la différence entre ours des cavernes et ours bruns. Alors il y a des caractères morphologiques qui les séparent, mais qui ne sont pas toujours évidents à mettre en évidence. Et il y a quelques années, il y a un groupe de chercheurs qui s'est particulièrement intéressé à la question en faisant à la fois des analyses ADN sur des analyses de paléogénétique sur des rares d'ours de ces sites du Paléolithique supérieur, et puis aussi en proposant des datations directes de ces restes. Et ce qu'il est apparu à l'issue de cette étude, eh bien, c'est qu'en fait, ces ours des cavernes, entre guillemets, que l'on croyait présents jusqu'à la fin du Paléolithique supérieur en Europe, eh bien, en fait, n'étaient pas des ours des cavernes, c'était parfois des ours bruns, ça c'est la paléogénétique qui l'a montré, mais ce que les datations directes ont montré surtout, et qui était vraiment très intéressant, c'est que les hommes du Paléolithique supérieur et de la fin du Paléolithique supérieur, eh bien, sont allés dans les grottes ramasser des canines d'ours des cavernes, comme vous pourriez, vous, aller ramasser des canines d'ours des cavernes dans une grotte, et qu'ils les ont ramenés chez eux, et que ces restes anciens se sont trouvés sédimentés dans des niveaux beaucoup plus récents. Mais quand on les date, eh bien, ils n'ont pas des dates qui sont des dates magdaléniennes. Et en fait, en termes de datation directe, voilà, on a une date autour de 25 000 ans qui est la date des derniers ours des cavernes dans nos régions. Et donc on voit que même si ce n'est pas l'arrivée des hommes modernes en Europe qui cause immédiatement l'extinction des ours des cavernes, eh bien, avant même le dernier maximum glaciaire, ces ours des cavernes, ils ont été quand même, entre guillemets, éliminés par les hommes, ce qui n'était pas arrivé auparavant avec les Néandertaliens. À la fin du dernier maximum glaciaire, on va voir, un petit peu comme en Amérique, un grand nombre de grands animaux disparaître. Et donc toutes ces faunes glaciaires qui comportent des mammouths, des rhinocéros laineux et toute une série de grands animaux vont se retirer de plus en plus vers le nord et vers l'est, où certains vont survivre assez longtemps dans l'Holocène, mais en tout cas en Europe occidentale, on voit disparaître ces faunes glaciaires donc à la veille de l'Holocène. Et un petit peu comme en Amérique, on a souvent utilisé l'argument climatique pour expliquer la disparition de ces animaux. Mais pour reprendre l'exemple du rhinocéros laineux, je voudrais quand même souligner un point intéressant, c'est que dans les cycles glaciaires, interglaciaires précédents, eh bien, on avait des rhinocéros qui étaient des rhinocéros adaptés à des environnements tempérés ou des environnements chauds, comme le rhinocéros de mer, par exemple, et que, dans le fond, j'allais dire, on devrait s'attendre à l'Holocène à voir réapparaître dans nos régions eh bien, des proboscidiens ou des rhinocéros, des grands périssodactyles, adaptés à ces milieux interglaciaires. Et à l'Holocène, eh bien, ça ne se produit pas, bien que ces animaux, dans le fond, aient survécu dans le sud de l'Europe, dans les Balkans ou en Espagne, très longtemps dans le Pléistocène supérieur. Hein. On les connaît encore à la veille du dernier maximum glaciaire dans l'Europe méditerranéenne. Mais manifestement, ce qui se produit d'habitude, là, ne se produit pas. Et je pense qu'il faut y voir non seulement un effet du climat, mais aussi un effet de la présence humaine et de la peut-être de la prédation humaine. On va laisser un petit peu la faune de côté. Et pour finir, je voudrais vous parler d'une ou deux questions qui sont liées à la modification des paysages, et puis on va finir même avec la modification de l'atmosphère par l'homme et par l'homme paléolithique. Alors il y a un aspect de l'intervention de l'homme dans la nature qu'on sous-estime généralement dans le domaine paléolithique et dans les études archéologiques, c'est les effets du feu, alors du feu non pas accidentel, mais du feu provoqué délibérément par les hommes sur les paysages. Alors d'abord, le feu existe de façon naturelle. Cette carte, elle vous montre le nombre d'impacts de foudre, la densité des impacts de foudre dans différentes régions du monde. C'est surtout les zones tropicales qui reçoivent ces impacts de foudre, en particulier en Afrique. Mais il y a des régions comme l'Amérique du Nord aussi qui sont assez impactées par ces orages et ces foudres, et donc des feux naturels avec des zones qui sont beaucoup plus calmes, en particulier en Eurasie. Alors récemment, on s'est vraiment posé la question de savoir dans quelle mesure le fait que les hommes utilisent le feu, alors pas seulement pour allumer des foyers dans leur habitat, cuire des aliments, les fumer, les sécher, les préparer, etc., mais mettre le feu dans la nature pouvait avoir eu un impact sur les paysages pléistocènes. Alors d'abord, il est intéressant de regarder quelles sont les utilisations du feu en dehors de l'habitat par des populations de chasseurs-cueilleurs, de chasseurs-collecteurs récentes pour lesquelles on a des témoignages et des comptages même de ces incendies volontaires. Cette étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps vous montre qu'il y a un grand nombre de ces utilisations du feu dans le paysage. Ces colonnes représentent différentes zones de végétation, avec ici en particulier la forêt tropicale et la savane, et puis ensuite différentes zones de végétation plus haut en latitude. Alors, une des utilisations les plus fréquentes du feu par les chasseurs-cueilleurs, eh bien, c'est chasser, justement. C'est-à-dire, c'est diriger le gibier dans une certaine direction, surtout les grands animaux, pour pouvoir les capturer, les abattre. Il y a parfois, en particulier dans la savane, tout bêtement, le comportement qui consiste à mettre le feu à un bout de savane pour récupérer des animaux morts, et d'ailleurs en partie cuits déjà, et prêts à être consommés. Mais vous voyez qu'il y a aussi d'autres utilisations, et il y a des utilisations qu'on retrouve dans certaines régions tropicales, qui sont des utilisations de gestion du paysage végétal. C'est-à-dire que ça a été décrit particulièrement en Australie, mais ça existe dans d'autres régions du monde. Les hommes utilisent le feu, dans le fond, pour se créer un paysage qui est plus favorable en termes de productivité de gibier qui les intéresse, ou alors pour éliminer des morceaux de forêt dans lesquels leur mobilité ou l'accès au gibier est limité. Alors le feu, évidemment, est présent dans l'histoire des hommes depuis très longtemps. Vous en souvenez peut-être, on en a déjà parlé il y a un petit moment, je crois que c'était il y a 2 ans. En Europe, disons que le feu, c'est une histoire qui remonte, le feu contrôlé, le feu dont on est sûr qu'il n'est pas accidentel, c'est une affaire qui remonte à environ 1,5 million d'années, peut-être un petit peu moins. On voit le développement de ces feux contrôlés dans des sites archéologiques, et on sait que les hommes sont passés maîtres dans la production et l'utilisation du feu, avec en particulier ces objets tout à fait remarquables qui sont des emmanchements faits avec des résines qui sont préparées en étant chauffées à une certaine température. Donc le feu est à la disposition des hommes depuis assez longtemps, et on voit ce feu se manifester aussi dans les paysages autour des hommes. Alors, il y a tout un débat pour savoir si ces modifications de la végétation, c'est un effet du feu, ou si c'est en fait un effet secondaire de la pression de prédation des hommes sur la grande faune d'herbivores qui, à son tour, a un effet sur le paysage. Alors, de façon, plus surprenante, on a vu paraître, il n'y a pas très longtemps, une étude sur l'Europe et sur le dernier maximum glaciaire qui compare... Alors, en utilisant toutes les données environnementales dont on dispose pour cette période et cette région du monde qui est extrêmement bien étudiée. Donc en utilisant toutes les données qui permettent de reconstituer l'environnement, eh bien, on peut produire une carte prédictive de la localisation des forêts, en gros de la taïga, hein, pendant le dernier maximum glaciaire, et on peut la comparer à ce que l'on sait de la présence réelle de forêts en Europe à cette époque-là. Et vous voyez qu'il y a une différence assez marquée, en particulier dans cette partie occidentale de l'Europe, que l'on sait avoir été la partie la plus peuplée par des chasseurs-cueilleurs. Et la conclusion de cet article qui vient de sortir il y a à peine quelques semaines, eh bien, c'est que probablement c'est l'utilisation du feu par les chasseurs-cueilleurs en Europe pendant le Paléolithique supérieur qui a modifié le paysage, en particulier en éliminant des zones forestières, en les transformant en un paysage qui est beaucoup plus un paysage mosaïque avec des espaces ouverts et des espaces forestiers. Et dans cette étude, évidemment, au-delà de la modélisation, les chercheurs ont essayé de montrer qu'on avait des indications, un petit peu comme en Australie, avec des microcharbons dans un certain nombre de sites clés qui, dans le fond, apportent des éléments de confirmation à ce modèle. Alors pour finir, après les animaux, après la végétation et le paysage, je voudrais terminer en disant quelques mots bien de l'atmosphère. Et je pense que il vous a été probablement difficile d'échapper au fait que l'atmosphère terrestre est considérablement modifiée. On revient à cette idée d'Anthropocène, le fait que les sociétés industrielles ont relâché dans l'atmosphère une grande quantité de gaz à effet de serre. Vous avez ici une courbe qui vous montre la fluctuation de la quantité de gaz carbonique, de CO2, dans l'atmosphère depuis, le début du Pléistocène moyen. Alors vous voyez que c'est une courbe qui suit plus ou moins les cycles glaciaires, interglaciaires. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces cycles glaciaires, interglaciaires sont déclenchés par des phénomènes astronomiques essentiellement. Donc c'est un forçage au départ solaire. Mais ce petit réchauffement qui est lié à l'effet des rayons solaires à la surface de la Terre, eh bien, provoque un réchauffement de la surface des océans, en particulier dans l'hémisphère sud. Ce réchauffement de la surface des océans produit une décharge de gaz carbonique dans l'atmosphère, et cette décharge de gaz carbonique accélère le réchauffement à cause de son effet de serre, justement. Et donc, c'est pour cette raison que la sortie des stades glaciaires est toujours une sortie assez brutale à cause de ce phénomène. Alors, on a cette courbe qui montre des fluctuations de la quantité de gaz carbonique, et vous voyez que aujourd'hui, on est là, hein. C'est-à-dire que, au lieu d'être comme on devrait être normalement dans tous les autres interglaciaires qui ont précédé, autour de 250 ppm parties pour million de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, on est près des 400 ppm. C'est-à-dire, c'est une valeur qui est proche de ce que la Terre a connu, disons, au Miocène. Et d'aucuns prédisent que si on ne fait rien, eh bien, notre climat va retourner à ce qu'il était au Miocène assez rapidement. Donc ça, c'est un phénomène qui, généralement, est attribué aux activités humaines par un grand nombre de scientifiques, même s'il y en a certains qui ne sont pas de cet avis. Et cette activité humaine, on l'associe effectivement au développement industriel. Alors, il y a, depuis assez longtemps, certains chercheurs, et en particulier un chercheur qui s'appelle Rudiman, qui a développé l'idée qu'en fait, ce phénomène de production de gaz à effet de serre dans l'atmosphère avec un effet sur le climat terrestre, eh bien, c'était quelque chose qui remontait bien au-delà de l'ère industrielle, dans l'Holocène, avec le développement de l'agriculture dans différentes parties du monde. Et vous savez certainement déjà, on a des foyers très anciens de développement de l'agriculture un peu après 10 000 avant le présent, au Proche-Orient, en Extrême-Orient, et puis plus tard en Afrique et dans les Amériques. Et donc l'idée de Rudi Mann, c'est que notre interglaciaire, l'Holocène, qui est remarquablement stable en fait en termes climatiques par rapport à d'autres interglaciaires qui ont précédé, eh bien dans le fond, c'est un interglaciaire que nous avons nous-mêmes, avec le développement de l'agriculture, en quelque sorte stabilisé du point de vue climatique avec la production de gaz à effet de serre. Alors, le résultat de tous ces débats et de tous ces travaux, c'est que dans le fond, maintenant, si les idées de Rudi Mann en ce qui concerne le gaz carbonique restent très très discutées et sont pas vraiment acceptées par beaucoup de climatologues, parce qu'on sait que de nombreux paramètres interviennent sur la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Pour ce qui est du méthane, et j'en ai discuté récemment avec un de mes collègues ici au Collège de France qui s'appelle Édouard Barre, vous suivez peut-être ses cours, eh bien, Édouard Barre, dans le fond, me dit, pour ce qui est du méthane, très probablement, Rudi Mann a eu raison et on a eu tort de ne pas l'écouter. Et voilà, tout ça, ça nous amène, dans le fond, à nous poser la question de quand, en fait, commence l'Anthropocène. Alors, effectivement, on sait très bien qu'il y a, à la fin du XXe siècle, un changement assez radical en termes d'impact de l'homme sur l'environnement, en termes de disparition d'espèces, en termes de présence même dans les sédiments de produits de l'industrie humaine, d'éléments radioactifs liés aux explosions atomiques. Mais en fait, la question que posent Rudi Mann et un certain nombre d'autres chercheurs, c'est est-il bien raisonnable de vouloir placer une limite à l'effet de l'activité humaine sur la planète dans le XXe siècle, alors qu'on sait qu'au cours de l'Holocène, eh bien, depuis très longtemps, et peut-être même avant l'Holocène avec l'extinction de certaines espèces animales, eh bien, l'homme a commencé à modifier le climat de la Terre. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 13 décembre 2016 Jean-Jacques Hublin, Homo sapiens, l'espèce orpheline, aujourd'hui l'aube de l'Anthropocène. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale est publiée chez Fayard en 2017 sous le titre Paléanthropologie du genre Homo. Et avec Bernard Sètre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nouvelle série, nous laissons Homo sapiens pour Homo numericus pour la leçon inaugurale de Didier Roux, découverte fondamentale, invention technologique, innovation, un voyage scientifique. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.